Sur cette musique tant festive, eh bien, c'est le moment d'aller rejoindre Alex Dorval du Temps d'une pinte. Salut, Alex. Salut, Denis, ça va? Ben, ça va tout le temps. Mais en plus, quand t'es là, ça va tout le temps encore un petit peu plus. Ben oui, ça va bien tout le temps, mais vraiment, hein, ta présence et ton produit rend le bonheur dans le monde. Ça va bien? Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Ben, cette semaine, j'ai décidé de faire la chronique sur les sour beer, donc les bières sûres. C'est des bébites qu'on voit de plus en plus sur, ouais, sur les tablettes, puis qu'on on voit même des petites brasseries se lancer là-dedans, essayer de... Puis même se spécialiser, on a on avait de la misère à avoir des produits qui ressemblent à ce qui se fait en Belgique, ouais, par rapport au sour ou au Vermont, par exemple, où il y a un gros hype là-dessus. Puis je pense qu'au Québec, on a 3-4 brasseries qui se distinguent. Oui, vraiment. Avec ce que tu nous as amené, là, c'est très, très, très bon puis très stable. Ça a l'air d'être... ça a beaucoup d'avenir, je pense. Oui, bien, la bouteille est grosse, fait qu'on l'a ouverte avant de rentrer en onde. Je vous ai amené la vieille gueuse de l'affût, donc un assemblage de 2011 à 2013. OK. Une gueuse, c'est un style qu'on n'était pas trop habitué de voir au Québec, ouais. Québec parce qu'il y a une particularité dans la fabrication qui, avec les règles de MAPAC et tout au Québec. OK, les règles d'hygiène, genre. Oui, c'est plus difficile, mais de plus en plus, avec la science des brasseurs, on arrive à reproduire des produits similaires. Aussi bon. Sinon, personnellement, ce produit-là, pour avoir bu quelques gueuses belges, on est avec la vieille gueuse de l'affût, on est vraiment dans un produit identique à certaines. C'est ça, c'est pas un sous-produit parce qu'il est au Québec, là. On est tous si bons. Ben, les gars de l'affût sont allés voyager en Belgique. Il y a plusieurs régions de Belgique, la région bruxelloise ou encore la Flandre, où qu'on voit beaucoup de bières sûres aussi. On a vu des rouges de Flandre, des houdes brunes, des gueuses, des farots, des lambics. Donc une gueuse, c'est un assemblage de lambics de différents âges. On a aussi... on a toutes plein de bières sour. Il y en a quelques autres styles ailleurs qu'en Belgique, mais comme la Berliner Weiss en Allemagne, mais ou le Porter ancien en Angleterre. Mais généralement, les sour, ça se passe en Belgique. Et qu'est-ce qu'on fait pour que trouver ce goût-là de sour? Ben, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire pour atteindre une acidité, si on veut, assez extrême. Parce qu'on dit acide, on, ouais, dit aigre, on dit... on dit surette, on dit sûr. C'est vraiment tous des synonymes. Par contre, dans l'usage, habituellement, quand on parle de sûr, c'est qu'on est un petit peu plus loin qu'une légère touche d'acidité. Ouais. Là. Et puis, c'est plus appétissant aussi qu'acide, de dire qu'on va boire de l'acide. Tout à fait. C'est moins intéressant. Et moi, ça me fait penser aussi rapidement. Tantôt, je te disais du Sprite, mais je fais... Là, en ce moment, j'en ai pas, mais je fais du kombucha. Je sais pas si tu connais le kombucha. C'est coréen? Ben, non, mais le kombucha, c'est un genre de champignon qui crée une boisson. Ah, oui, c'est une culture de champignons. Puis sérieux, quand ça vient gazer, là, tantôt, si je cherchais, c'était quoi? Puis ça me fait penser à quand on se fait du kombucha maison, là, ça ressemble à ça, un kombucha au gingembre, là, genre, ça ressemble un peu à ça. Ben, absolument, c'est probablement parce qu'il y a une fermentation lactique qui se produit quand tu fais du kombucha. On a d'autres produits similaires comme la choucroute ou toutes les pots de vinaigrés comme les cornichons, les poivrons. Ben, les trucs allemands, souvent, les oeufs aussi. Oui, les Allemands avec la choucroute sont forts là-dessus. Des genres de radis là, chinois, comment ça s'appelle? Du daikon, là. Oui. Tu peux faire fermenter ça aussi. Ça ressemble un peu, ça fait un peu penser à ça. C'est souvent le même type de bactéries qui contaminent, qui font fermenter ces produits-là. Que celles qui font fermenter certaines bières sûres. Okay. Comme on va avoir une autre dégustation qui est la Duchesse de Bourgogne de Verheid Brouwerij en Flandre. Ton néerlandais est excellent. Ben, c'est ça, d'ailleurs, je voulais te proposer qu'on fasse toute la chronique en néerlandais tant qu'à parler de bières sûres. La Duchesse de Bourgogne, c'est une rouge de Flandre, okay, un style qui est similaire aussi à la haute brune. Par contre, une qui est rouge, l'autre est un petit peu plus caramélisée, un petit peu plus sucrée. On a ici une bière assez particulière qui a fermenté avec des lactobacillus, donc des levures sauvages ou bactéries, si on, okay, veut, qui ont contaminé le mou pendant le vieillissement en foudre de chêne. Donc, dans des gros, gros, gros tonneaux de chêne, les lactobacillus mangent les sucres dans le baril. Puis on met la bière dans le baril qu'on réutilise plusieurs fois. Puis on crée la Duchesse de Bourgogne, les Rouges de Flandre qui se contiennent comme ça. Tandis que les Hautes Brunes, souvent, vont être plus vieillies dans une cuve de stainless ou de cuivre. Okay. Puis qui vont prendre le petit côté oxydé plus par les ferments qu'il y a dans les airs. Excellent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous tenterait à un moment donné d'essayer ça au temps d'une pinte? Ben, je m'en allais un peu vers ça. Ben, la question est bien placée. En fait, on a commencé à brasser mercredi une bière qu'on va brasser demain. Oh, OK. C'est mardi, on a fait une des techniques pour faire une bière sûre au Québec sans avoir à fermenter avec les levures spontanées qu'il y a dans les airs, les levures sauvages. C'est d'acidifier ton mou, c'est-à-dire de faire il appelle ça un sour mash. Donc, on a versé deux poches de grains dans notre mash tun, dans notre cuve d'empâtage, et puis on a ajouté un petit peu d'eau. Puis là, présentement, ça fait 3 jours que ça sent le yogourt nature dans la brasserie. C'est délicieux. Yogourt nature, puis la céréale aigre douce. Là, fait qu'on s'en est vraiment en train de faire surir notre mou. Pendant 4 jours, on a mis du gaz carbonique pour pas qu'on tombe avec un vinaigre carrément, pour pas tomber avec trop de levure de saveur vinaigrée. On brasse une Haute Brune, qui est un style qu'on retrouve pas vraiment présentement au Québec. Il y a pas de brasserie, sinon peut-être une ou deux qui se sont essayés à faire une Haute Brune. On a ce que j'ai amené, la Duchesse de Bourgogne, c'est dans le même style. Donc, Haute Brune, ça veut dire littéralement la vieille brune. Okay. Nous, on a pensé, avec les saveurs oxydées qu'il y a dans cette bière-là, que le meilleur nom à Trois-Rivières pour cette bière-là, c'était la vieille forge. Ah, génial. Donc, on a la vieille forge qui va être en brassin. Je suis pas trop certain encore, il faut que je parle avec Gustavo, à savoir combien de temps il faut qu'on la laisse vieillir avant de la servir. Mais là, on a vraiment un produit de spécialité avec ça. Il va y avoir du monde qui vont descendre au temps d'une pinte. Absolument. Des amateurs québécois. Oui. Puis la vieilleuse de l'affût, c'est comme je disais, c'est une des seules interprétations de gueuse que j'ai bu au Québec. Qui est bien réussie. Fait qu'on là. Se rapproche. Souvent, ce qu'on va faire au Québec pour se rapprocher des gueuses aussi, on va rajouter des Brettanomyces. On entend souvent ça, des brettes. Donc, des brettes, c'est des... C'est un vieux char. C'est un vieux char. Il y en a qui l'ont. On a la bretteuse du Trou du Diable, qui est une bière qu'ils utilisent. Ils l'utilisent aussi dans la Dulce Succubus, dans certaines bières sûres. On a le bretteux des Brasseurs du Monde aussi. Pit Caribou a sorti une IPA avec des Brettanomyces. C'est vraiment. La tendance, c'est quoi en tant que tel la brette? La brette, c'est une levure sauvage, un peu comme les lactobacillus, mais c'est un petit peu plus dangereux à manipuler. Pas dangereux. Mais tu peux perdre le contrôle avec. Un peu perdre le contrôle, puis finalement, il y en a partout. Là. D'ailleurs, il y en a qui ont appris à la dure. Là, Tu me gagnes d'autres brassins, genre. Ben, genre, tu me gagnes tes autres brassins qui n'est pas. Pas en tout supposé avoir des Brettanomyces dedans, ou tu vas avoir des lignes où tu as servi au fût, t'as envoyé un keg avec des Brettanomyces qui n'avaient pas fini leur activité à un pub, puis la ligne est totalement contaminée. Fait que il y a du monde qui ont appris à la dure avec ça, mais il faut vraiment juste s'assurer de comprendre avec quoi qu'on joue. Là, vous autres, vous n'avez pas utilisé ça. Là. On n'utilise pas de Brettanomyces pour l'instant. Il y a d'autres façons d'atteindre des produits sour. D'ailleurs, personnellement, à mon goût, je préfère beaucoup les produits fermentés avec des lactobacillus, comme les Berliner Weiss ou les Hautes Brunes Rouges des Flandres. Je trouve que tu vas voir la différence un peu de ce qu'on a ici avec la gueuse ou la Rouge de Flandre. Puis c'est deux types de sour. Donc, il y a plusieurs saveurs associées au sour. Si on pense au Brettanomyces, quel genre de saveur ça peut apporter? Ouais. Ça va apporter des fois dans une bière des saveurs de sueur de cheval, de cuir. On dit des saveurs phénoliques, des produits dérivés phénoliques. Ça va être dans le lactobacillus, on va parler de yogourt nature, comme j'ai dit, d'acide à batterie, comme quand tu mets ta langue sur une batterie pour savoir si c'est encore là, si c'est encore... est encore bonne, est encore 9 volts, là. Ouais. Ben, c'est un petit peu le type de sensation qu'on retrouve aussi dans les sour. On peut parler aussi dans le cas des Brettanomy 16. Puis là, c'est ma saveur préférée que je... Ben, pas préférée au goût, mais que je trouve ça assez drôle que les gens comparent ça. À ça. C'est de la crotte de souris. Ça m'est jamais arrivé. Comment tu as goûté? Ouais, c'est ça. Ben, exactement. Les Brettanomy 16, c'est quelque chose qui est connu aussi dans le monde du vin. OK. Ce qui est particulier, c'est que dans le monde du vin, ils détestent généralement les Brettanomy 16. Si tu demandais, par exemple, à un vigneron, « Hey, ça se peut-tu que ton vin, il y a des Brettanomy 16 dedans? » Tu l'insultes, là. Il dit, pourquoi tu trouves que mon vin goûte la crotte de souris? T'as déjà mangé des crottes de souris? Ouais, c'est ça. Mande-moi pas si mon vin contient ça. Il contient pas de... c'est un peu honteux. Là. La personne, mais souvent, c'est qu'il y avait des vins réellement contaminés par les Brettanomy 16. Si on pense à des vins qui sont où il y a eu une saison chaude, où qu'on a des fruits plus mûrs, où qu'on a beaucoup de sucre, des vins forts en alcool, les Brettanomy 16 adorent ça. Puis certains vignerons ne le contrôlent pas parce que le traitement des levures, c'est pas nécessairement la spécialité de tout le monde. Oh, ouais. Donc, tu peux l'échapper comme un peu, tu sais. Tu peux l'échapper, puis quand c'est toutes tes vignes, il dit, je pense que ça représente de quoi, comme 15% des vignes abîmées. Les raisons pourquoi les vignes sont abîmées, c'est 15% dû au Brettanomy 16 quand on tombe sur un vin. Personnellement, j'ai goûté ça dans le vin après l'avoir goûté dans la bière. Okay. Vu que j'ai pris la porte dans... Fait que j'ai adoré, même dans certains vins, parce que c'était pas trop prenant. Si c'était juste les brettes, ça aurait été un petit peu... intense, mais ton goût était habitué à ça quand moi, même. Moi, j'étais habitué, puis j'en ai parlé à des connaisseurs de vin, puis ils m'ont raconté cette anecdote-là que c'est pas bien vu dans le monde du vin. Il y a des vignerons aussi qui donnaient l'excuse où, c'est pas le... Je sais pas c'est quoi des Brettanomy 16, mais ça, c'est ce que ça goûte, le terroir ici. C'est le terroir d'ici, ça. Puis il y a des gens qui étaient fâchés de ça, d'autres dégustateurs de vin, d'autres œnologues, parce que ce qu'ils disent, c'est qu'en réalité, les Brettanomy 16, ils sont partout sur la planète. Puis si t'en mets à Cancun ou si t'en mets en France, ça va être le même résultat, les mêmes saveurs. C'est volatile. Exactement. Fait que les autres vignerons et les œnologues, ils sont fâchés quand quelqu'un s'associe au terroir parce que au contraire, ça donne un vin... plus pareil partout. Pareil partout, puis ça cache d'autres subtilités du terroir, en réalité. Ah, génial. Dans la bière, on aime les saveurs extrêmes. Mettez-en dans tout, mettez-en dans saison, mettez-en dans IPA, mettez-en dans porter. Mais tout le monde présentement utilise ces levures-là ou veut essayer de travailler avec ça. Le défi étant d'intégrer ça dans la brasserie sans contaminer partout. Sans contaminer partout. On a parlé des lactobacillus. Il y a aussi d'autres ingrédients que les levures, parce que là, on parle de levures, bactéries et autres. Le principe pour une bière, pour qu'une bière soit sûre, selon toi, c'est quoi? Et je sais pas pantoute. Ben, des fois, je sais que, mettons, si tu fais fermenter quelque chose, ça sûrit à la base. Tu sais, mettons, dans n'importe quoi, quelque chose qui fermente, ben, ça sûrit. Mais je peux pas t'expliquer le principe. Ben, généralement, mais tu as des bières, par exemple, il y a l'équilibre des saveurs. Par exemple, si tu mets beaucoup de sucre, on sentira pas l'acidité. Donc, la bière est généralement un peu plus acide que l'eau. Oui. Donc, y a aussi un produit qu'on consomme à tous les jours. Tu en as parlé un peu. Ben, à tous les jours, c'est un des produits les plus consommés sur la Terre qui est très acide. Les boissons gazeuses. Oui, absolument, c'est ça. Par exemple, le Coke, je pense que c'est 2,8 de pH. OK. Ce qui m'amène à parler de pH, on parle dans le normal, c'est quoi, 5-6, le pH? D'une bière? Non, le normal, le base. Je pense que ça tourne autour de 5-6, quelque chose du genre. Donc, plus haut, c'est base, puis plus bas, c'est acide. Oui, c'est ça. Dans les bières, donc, on est généralement dans de quoi qui est plus acide. Oui. Dans les sour, on peut atteindre des 3,5, 3,8, ou que ça va... Pour certains, ça va carrément goûter le butyrique qui est associé à la bile ou à ce qui est plus bon. Ouais. Il y en a qui aiment ces saveurs-là. Par exemple, je peux aimer ça, mais je fais attention, je me prends pas 3-4 verres de ça. C'est vraiment des produits de dégustation qu'on va atteindre des saveurs assez exceptionnelles. Ouais, c'est ça. Tu ne prends pas nécessairement toute la soirée de ça. Là. Tu vas en prendre une, puis tu vas en prendre une autre de d'autres choses. Ouais. Mais ça, par contre, ça se boit très bien. Oui, c'est un peu dangereux. Comme le Coke, en réalité, c'est... Exact. Ce qui m'amène à parler de pH, dans le fond, le principe de base pour avoir une sour, Quand on parle d'amertume avec les houblons dans la bière, on parle d'IBU. Ouais. On pourrait très bien parler de pH dans la sour. Oui, c'est ça. On a plusieurs façons de traiter les quatre ingrédients, eau, malt, houblon, levure, qui vont faire qu'on va avoir des saveurs sour puis un pH plus bas. Par exemple, on a parlé des levures, des bactéries. Si on parle de l'eau, ben c'est possible d'acidifier ton mou en ajoutant de l'acide lactique, en ajoutant des zestes de citron, plein d'acides au mou. Il y en a qui carrément vont atteindre des produits similaires aux produits artisanaux belges, mais en le boostant un peu. En le boostant ou en jouant avec la chimie du liquide. Okay. On a aussi les matières premières comme l'orge ou la céréale, donc le blé, le seigle, des céréales plus acidifiantes. Okay. C'est plus facile d'avoir des saveurs acides ou sûres avec ce type de céréales-là. C'est une céréale qu'on retrouve beaucoup dans les gueuses généralement. Le blé. Le blé, oui, qui est plus facile à acidifier, tu me dis? Oui, okay. Oui. On a aussi le seigle qui donne des saveurs un peu piquantes, acidulées, comme si on pense à l'ours, qui était un des derniers brassins de spécialité du Trou du Diable, qui est un produit exceptionnel. On a aussi les houblons. Donc, les houblons, ça crée beaucoup d'amertume. Par contre, il y a aussi des alpha-acides dans le houblon. Okay. Donc, ça va... Quand on a une bière très amère, ce qu'on goûte, c'est l'amertume, mais ce qui se passe dans notre tube digestif, c'est aussi une réaction d'acidité. Donc, il faut faire attention un petit peu au niveau de la digestion pour les sour beers. Par contre, ce qui est le fun pour une sour beer, c'est que c'est un très bon apéro. Puis c'est super aussi avec une salade, des charcuteries, des abats. Des trucs qui sont gras quand même assez. Gras. Ouais. Moi, j'aime bien le mélange de verdure et charcuterie ou abats. Des petites viandes qui se mangent bien en apéro avec une verdure, avec une petite vinaigrette à la bière. Ça se marie très bien, ça, avec... Tu me donnes faim. Ouais. Moi aussi, tu veux-tu goûter à Duchesse de Bourgogne? Donc là, tu me disais, en plus, cette bière-là, la Duchesse de Bourgogne, est disponible à la SAC. C'est des produits qui sont disponibles à la SAC. Oui, la Duchesse de Bourgogne, c'est au Québec depuis quand même plusieurs années. Je dirais, je suis pas un fervent de tous les produits qu'il y a à la SAC. Non, moi non plus, c'est pour ça je te pose la question un peu. On dirait des fois, ils changent une Pilsner pour une lager puis allemande, mais que les Allemands, ils boiraient même pas là-bas. Là, mm-hmm. C'est terrible. Mais on a quelques produits belges qui sont, corrects, ouais. Qui sont bons, là, comme la Haute Brune de Duchesse de Bourgogne ou encore la... pas la Haute Brune, pardon, la Rouge de Flandre. Puis on a j'aime bien la triple carmélite. Oui, OK. Ça, si t'aimes les bières belges, tu me dis, c'est bon en tabarouette. Puis c'est pas mal... c'est pas de la chimie qu'on peut avoir aussi? Oui, on a quelques bonnes bières trappistes aussi, une bière d'abbaye. C'est ça. Donc, à la tienne, on va goûter ça tout de suite. Hey, mais moi, je t'ai dépassé parce que toi, tu parles plus que moi en ce moment. Fait que je peux en profiter, je bois, je t'écoute. Vraiment particulière, dans ton... Aïe, est beaucoup plus sucré, celle-là. Quelle saveur tu... Mais tantôt, tu m'as parlé de Coke, puis ça m'a fait penser encore. L'autre me faisait penser au Sprite, à l'odeur, puis lui, plus au Coke, justement. Ouais, il y a un côté caramélisé, vraiment très intéressant. Il y a aussi le... Attends un peu. Vas-y, tu peux. Il y a aussi le caramel, là. Oui, dans les Rouges de Flandre. C'est des trucs qu'on retrouve. Des fois, le houblon n'est pas pareil d'une fois à l'autre sur cette bière-là. Des fois, on le goûte beaucoup. C'est pas nécessairement le houblon qu'on veut mettre de l'avant dans ces styles-là. Mais on dirait presque justement une triple belge, mais qui serait sûre. Ah oui, ça serait bon. Mais sérieux, ça fait quasiment ça parce que t'as le côté très brun, là, très torréfié, le grain torréfié. J'adore ça. En parlant d'une triple sûre, dans la même série que La Vieille Gueuse, qui est leur série co-op, à l'affût, ont sorti la triple à trois brettes. Donc, c'est une triple avec des Brettanomys. Oh, ça doit être très bien, ça aussi. Oui, c'est écœurante. Mais elle est plus dangereuse parce qu'elle se boit aussi bien que la gueuse, mais... Combien de pourcents? Elle tire de quoi, comme 9 à peu près. OK, parce que, me semble, à l'affût, moi, quand je suis allé, il n'y avait pas de bière forte. Les plus fortes étaient à 6, 7, me semble, je me rappelle, les dernières. Parce que j'étais allé manger là un moment donné, puis je voulais de quoi d'un peu plus fort, mais en même temps, ma blonde m'a dit ben, « c'est peut-être correct, il faut qu'on redescende à 3. Ouais. » Mais là, ils commencent à sortir une couple de produits de spécialité. Un peu plus fort, ouais. Là. Oui, ils ont une double blanche qu'ils ont brassée l'hiver dernier. Je ne sais pas si ça va être répété cette année, mais Ils ont quelquefois des produits de spécialité comme ça. Autre façon d'atteindre une acidité qui n'est pas dans les ingrédients de base, c'est la carbonatation. Par exemple, si on met plus de gaz, plus de CO2 dans notre bière, on va sentir une certaine acidité. C'est un peu ça qui fait dans la Duchesse de Bourgogne, dû à une refermentation, qu'il y a une effervescence qui est comme piquante un peu sur le bout de la langue. Là. Mais je la trouve moins effervescente qu'elle, par exemple. Ah ouais, ben là, j'ai pas goûté ça. En tout cas, je te dis ça de même, là. Je sais pas si c'est mon goût, mais l'autre me faisait beaucoup plus... Mettons, elle faisait plus été, celle-là. Personnellement, ça comble plus mon envie de sucrer puis de grosse bière. Ah, good. Ben oui, ben peut-être bien qu'on aurait une sensation différente de les avoir bu dans l'autre sens aussi. Ah, ça, c'est sûr qu'on aurait une sensation différente. Elle est tellement bonne, la vieille gueuse, comme en apéro qu'on pouvait. Elle était parfaite. Moi, je trouve le mix, là, c'était une belle ascension, je te dirais. Ah, good. Puis celle-là, c'était combien de pourcents, la Duchesse? Duchesse de Bourgogne, une bière à 6,2% d'alcool. Donc, c'est un petit peu plus ronde, c'est ça, je trouve. Malgré le petit côté sour, c'est ça que j'aime. Vraiment, ça, je suis surpris du produit, pour vrai. Tu lis un peu la description en arrière de la vieille gueuse de l'affût. Cette vieille gueuse domptée est issue d'un assemblage de 3 lambics domptés vieillis en fût de chêne entre 6 mois et 2 ans et demi. L'utilisation des techniques de brassage traditionnelles belges adaptées à nos installations et notre souci du détail ont mené à l'élaboration de ce précieux liquide qui se veut un hybride entre la bière, le vin et le champagne. Donc, tu sais, quand tu parles d'effervescence, puis de... Non, puis vraiment, on parle d'apéro. Très, très beau produit, ça, la vieille gueuse. Je connaissais pas. J'avais déjà entendu le terme gueuse, mais que je savais pas qu'à l'affût faisait ça. Oui, c'est les premiers à... Disons, il y a quelques brasseries au Québec qui avaient écrit « gueuse » sur leur bouteille. On rouvrait ça, puis on se disait « bon, un petit peu plus acidulé qu'une pilsner ou qu'une pale ale, mais t'es pas dans un vrai sour comme les interprétations de gueuse. » Ceci dit, il y en a des interprétations en Belgique qui sont pas extrêmes non plus. Les Belges aussi, ça a été pour eux une redécouverte des styles. Si on pense à des brasseries comme Cantillon qui ont repris des recettes ancestrales qui étaient de moins en moins connues. Okay. Donc, c'est des bières qui datent de longtemps, les sour en Belgique, mais ça a été un petit peu oublié au 20e siècle avec justement les bières d'abbaye et tout. Puis eux, sont là-dedans. Puis je dirais que les beer geeks qui se font un cellier, généralement, c'est... Il y a des IPA, des Imperial Stout conditionnés en fût de n'importe quoi. Puis il y a des lambics. OK. Fait que c'est la mode en ce moment. Ouais, on n'a pas vu vraiment de faro. Un faro, c'est un lambic comme ça, mais dans lequel on viendrait ajouter des sucres candy qui sont comme des sucres cristallisés ou des sucres maison. Donc, quelqu'un se fait un petit sucre avec des fruits, avec du sucre brun. Sa recette à lui, là. Puis il mélange ça dans... Donc, quand on nous parle de la rouge de Flandre, tu parles, il y a un petit côté sucré. Oui, ils l'ont peut-être atteint un plus avec la céréale, ce sucre-là, qu'avec des sucres ajoutés, mais c'est un peu l'idée derrière un faro aussi, c'est que même les Belges, ils buvaient des lambics, puis des fois ils se disaient, ouais, il est peut-être un petit peu rough celui-là, on va-tu mettre du sucre dedans? Ben, c'est correct, hein? C'est comme ça qu'on apprend puis qu'on fait évoluer le goût, c'est génial. On a aussi les lambics aux fruits. Oui. Par exemple, si on entend des fois des termes comme la crique, qui ouais, est ça, une j'en ai bière bu aux cerises. Ça, j'en ai bu beaucoup en Belgique le matin. Là. C'est cette bière-là avec qui font fermenter longtemps avec des cerises. On se faisait traiter de biéreux. On était genre dans le quartier qui est comme... je me rappelle plus le terme de la commune. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment... C'est rien contre... Mais c'est très, très arabe. Là. Puis les jeunes, eux autres, sont contre l'alcool en partant. Fait que de nous voir qu'une bière à 10h, 11h le matin, là, les enfants nous traitaient de... Toutes les noms, c'était de vraies jokes. Ouais, ben, ils doivent être habitués de nouveau, les Québécois, arriver là, puis ils se disent, ils m'ont dit gang d'alcooliques. Moi, c'est quand je suis arrivé là, puis que dans la gare, t'avais une machine à coke, là, puis t'avais de la Jupiler dedans à 1 piastre. 1 euro. Une machine à coke, là, puis t'as une machine à coke, 1 euro. Tu te cherches une canette à n'importe quelle heure du jour, n'importe quand. Je trouvais ça assez particulier. Ah, les gars, dans la fume, comptaient qu'ils ont eu tout un voyage aussi. Là. Tu te promenais d'une brasserie de lambic à une autre brasserie de lambic, amène-toi des un chauffeur. Puis des Tommy. Ouais. Parce que l'acidité... Mais en plus, si t'arrives là, puis tu sais, mettons comme toi, t'arrives là, puis ils savent que t'as une micro-brasserie, mais ils vont encore plus triper. Quand ils voient que tu sais, t'aimes la bière, il tripe. Nous autres, on avait été dans un magasin, c'était chez Beermania, dans la commune de XL. Et puis le gars, c'était la première fois ici, il n'y avait pas encore de magasin autant spécialisé. Puis ceux qu'il y avait, il n'y avait pas de choix. On était rentrés là, là tu capotes. Là, c'est comme un peu comme la barrique, mais c'était encore plus. Pas plus gros en grosseur, mais il y avait du choix, ça se pouvait juste pas. Puis il n'y avait pas encore de magasin spécialisé, mais on était tombé sur le cul. C'était génial. T'es-tu allé au Delirium Tremens? Non, on n'est pas allé, on était à côté, on n'est pas allé. Je pense que c'est de quoi comme 2500 bières, là? Je pense que si tu commandes une bière, ça peut prendre 25 minutes avant de te faire servir parce qu'ils vont la chercher. Puis ils ne servent pas la bière si elle n'est pas dans le verre adapté. Par exemple, t'aurais. Ils ont la Labatt 50. Oui, je sais, ils ont des bières canadiennes comme ça. ils ont la Labatt 50. Tu te connais la Labatt 50 au café de Delirium, puis. Ils cherchent le verre, puis s'ils n'ont plus de verre, la BAT 50, ben ils te la servent pas. On s'est fait inviter, je pense, trois fois. Ben, j'étais allé deux fois en Belgique, puis toutes les fois, ça n'a pas donné. Mais il me semble que ce n'était pas Delirium Tremens. C'était une autre place qui avait au-dessus de, genre, ils disaient, je pense, c'était 3500 bières, 4000 bières. Ça se pouvait juste pas. Là. C'était comme tout le monde allait là. Mais nous autres, on est. Finalement, il y a juste des Belges puis des Québécois. Hein? Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de bars à absinthe aussi qui étaient vraiment intéressants. Ah oui, ouais, j'aimerais ça découvrir ça. Ça, assez particulier. C'était ça leur spécialité. J'avais. En tout cas. Hey, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'est tout à fait génial. On s'en fait-tu une petite? Ben parce que toi, tu n'as pas goûté encore en onde avec moi. Tiens. Fait que vas-y donc. Hein. Wow. Vrai. Hein? OK, délicieux. Délicieux, hein? Sérieux, le mix après, là, c'est pour ça que j'ai comme « wow ». Hein? Généralement, elle serait plus « sour ». Là, on a juste le sucre parce qu'on a bu l'autre qui l'était plus avant. C'est en plein j'ai mal calculé. Mais c'est pas grave parce que t'as vu, c'est le fun dans la bouche, par exemple. T'sais, c'est bon. On a fait « wow ». C'est un petit sirop sucré. Est-ce que tu as le petit côté yogourt ou fromageux? Que... Attends un peu, je vais réessayer, voir. Je sais pas. Non, mais pour vrai, je sais pas. Je veux pas dire n'importe quoi. Ouais, ouais. Le petit Québec, là, ou le. Non, le petit Saputo, là. Vraiment, merci beaucoup, Alex Dorval. On va te voir au temps d'une pinte. Yes, venez nous voir ce soir, 5 à 7 du jeudi. On perce un casque de IPA Simcoe de Simple Malt. Donc, génial. Yes. Donc, on parlait avec Alex Dorval de la brasserie, microbrasserie, Le Temps d'une pinte. Si vous voulez le réécouter, ben, c'est facile. On va la mettre en ligne sur le site du Temps d'une pinte dans pas si long. Puis sinon, ben, écoutez-nous en direct tous les jeudis à midi. Alex est tout le temps là. Puis on met ça aussi dans les meilleurs moments qui sont disponibles à partir de 7 h le vendredi matin et le samedi à partir de midi. Nous, on va aller vers la pause publicitaire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis on dit encore merci à Alex. À la semaine prochaine.